ata mokola moko pambara nakoka kita kolinga yo wanzolela nasela kimingi bona na lemba kita kotuna tuna yo epai ya bato séparé souka souka surprise au salina yo souka passé à binana je regrette je suis touché par tout mon cœur car l'osso et la liberté ok nayo passe à pamba na mon idée nayo ayo pe ma banzo mingi na monte ma ya mona keinanga Na komo na pona ndimi Na keilanga eti na pepingo mawa Mawa e Mawa e Mana ndimi koli mwa eti na bolingo Deception ya somo pa jo o salinga Somo moyo soni o sali die Tino Salinga Pesa ki confiance na tonga Na mitu bile loyo Zete so ki etenga ma Mwaye te bomba Kalose nga na voyage Toko mi separe Suka, suka, surprise O Salinga